Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. Neuvième épisode. Lorsque des navires baleiniers se croisent dans les immensités des mers lointaines, il est d'usage qu'on se rende visite sur l'un ou l'autre bord pour échanger des nouvelles de la pêche ou du courrier destiné aux équipages. Mais Ahab n'avait qu'une préoccupation, connaître les déplacements de Moby Dick. « As-tu vu le cachalot blanc ?» demandait-il invariablement au capitaine étranger que le hasard mettait sur sa route. Si la réponse était négative, la conversation s'arrêtait là et il regagnait sa cabine. Mais par ailleurs, soucieux de ne pas priver ses hommes des profits de la pêche, il lançait ses pirogues à l'assaut du gibier que les vigies signalaient. La fuite d'huile dont Starbuck avait fait état au capitaine obligea à vider la cale de fond en comble. On en sortit tout ce qu'elle contenait. Bientôt, le pont fut à ce point encombré de tonneaux, de barriques et de futailles que l'on pouvait à peine y circuler. Il revint à Kikeg, une fois les réparations effectuées, d'aller remettre en place et arrimer les barils dans les régions les plus reculées et ténébreuses de la coque. Mon pauvre ami, qui pataugeait dans la vase et l'humidité et transpirait à grosses gouttes dans les profondeurs de cette prison souterraine, fut saisi d'un refroidissement terrible qui dégénéra en fièvre et finit par le clouer dans son hamac aux portes de la mort. Il dépérit. Ses yeux prirent un éclat d'une étrange douceur. On aurait dit qu'il s'agrandissait et s'arrondissait aux dimensions des anneaux de l'éternité. Tous le considéraient comme perdu. Quant à lui, il sollicita une étrange faveur. Parle, Kikeg. Que désires-tu ? Vous pas jeter Kikeg dans la mer. Kikeg, voire marin de Nantucket, dans petit canoë. Maître marin dans petit canoë quand marin mourir. Tu veux parler des cercueils dans lesquels nous étendons nos morts, Kikeg ? Est-ce bien cela ? Canoë. Pareil dans mon pays. Pareil. Quand guerrier mourir, maître guerrier dans canoë et pousser loin. Eux partir loin là-bas. De son bras mollement levé, Kikeg indiquait les hauteurs du ciel. Je compris qu'il voulait qu'on le place dans son canoë cercueil et qu'on laisse les flots l'emporter jusqu'aux archipels des étoiles. Car, savez-vous, ces gens croient que les étoiles sont des îles et qu'au-delà de l'horizon visible, les mers de leurs archipels du Pacifique se mêlent à l'azur des cieux pour former les neigeux brisants de la Voie lactée. Quand le vœu de Kikeg fut connu du capitaine, ordre fut donné au charpentier d'y satisfaire, quels qu'en puissent être les détails. Starbuck m'a ordonné de lui confectionner un cercueil avec cette vieille pièce de bois sombre d'aspect barbare. C'est fait. J'ai pris les mesures de Kikeg à la craie dans son hamac, puis j'ai cloué, raboté, ajusté. Pauvre gars. Il va bien falloir qu'il meure à présent. Bon, je vais descendre l'objet dans le poste d'équipage pour voir si l'on est prêt à se servir de mon ouvrage. Apporte canoë à Kikeg ici, maintenant. Tous étaient consternés, mais il fut impossible de lui refuser ce qu'il demandait. Il est bien connu que de tous les mortels, les moribonds sont les plus tyranniques. Et comment pourrait-on ne pas se faire un devoir de contenter les pauvres bougres, puisqu'ils cesseront bientôt de nous importuner à jamais ? Il était allongé dans son hamac et donnait ses instructions. Il a demandé qu'on dispose toutes sortes de choses dans sa boîte. Son harpon, une pagaie de sa baleinière, du biscuit, un morceau de toile roulée pour lui servir d'oreiller, et à côté un flacon d'eau douce, et aussi un petit sac contenant un peu de terre raclée dans la cale. Puis il s'est fait installer dans son canoë, comme il disait, pour juger si tout était bien à sa place. Ensuite, il a fallu lui apporter sa statuette. Son petit dieu Yojo. Alors, croisant les bras avec Yojo sur sa poitrine, il a fait poser le couvercle sur le cercueil. Il est resté comme ça longtemps, les yeux fermés, puis il a murmuré dans sa langue deux ou trois mots qui voulaient dire « ça ira bien ». Il avait l'air satisfait. Mais maintenant qu'il avait pris toutes les dispositions pour affronter la mort, Kikeg, à la stupéfaction de tous, revint à la vie. Il expliqua qu'il avait une raison toute personnelle de se rétablir rapidement. Kikeg, pas vouloir mourir aujourd'hui. Kikeg pensait faire quelque chose d'abord et mourir après. Aussi étrange que cela paraisse, ce quelque chose était une certaine obligation à terre qu'il n'avait pas remplie et sur laquelle il ne nous donna pas de détails. Il s'était donc ravisé à propos de sa mort. Il ne pouvait pas mourir tout de suite. Selon lui, si un homme a décidé de vivre, une simple maladie ne peut pas le tuer. Une baleine peut-être aurait pu avoir raison de lui, ou une tempête, mais sûrement pas une maladie. Il fallut bien se rendre à l'évidence. Kikeg recouvra ses forces avec une rapidité prodigieuse, comme c'est souvent le cas chez les sauvages. Et par un étrange caprice, il utilisa désormais son cercueil comme un coffre personnel dans lequel il rangea ses vêtements. En outre, il passa de nombreuses heures de loisirs à sculpter sur le couvercle toutes sortes de figures et de dessins grotesques, reproductions assez rudimentaires d'une partie des tatouages sinueux dont son corps était orné. Des tatouages. Des hiéroglyphes plutôt. Kikeg parut ravi de m'expliquer que ces caractères hiéroglyphiques étaient l'œuvre d'un défunt prophète de son île et composaient une sorte de traité sur l'art d'atteindre la vérité. Ah, Kikeg, tu étais dans ta personne un livre de sagesse dont les mystères, cependant, te demeuraient impénétrables, bien que ton propre cœur battît là contre. Ce livre des merveilles, ce vivant parchemin était donc voué à tomber en poussière sans avoir jamais été déchiffré. Oh, le diabolique supplice de Tantale que nous infligent les dieux. Il était près de midi, et Akab, assis à la proue de sa baleinière hissée haut sur ses potences, s'apprêtait à faire son observation quotidienne du soleil pour déterminer sa latitude. Dans les eaux de la mer du Japon, les jours d'été ressemblent parfois à des torrents de lumière. Le ciel semble une laque, et la nudité de ce rayonnement continu est comme la splendeur insupportable du trône de Dieu. Fort heureusement, le sextant d'Akab était muni de verres colorés qui lui permettaient de contempler cet incendie solaire. Il demeura quelques instants l'œil vissé à son instrument pour saisir le moment précis où le soleil atteindrait son méridien. La mesure désirée une fois prise, Akab, avec son crayon, eut tôt fait de calculer sa latitude sur sa jambe d'ivoire. Il s'abîma dans une courte rêverie, puis releva les yeux vers le soleil. Oh, puissant et altier pilote! Tu me dis sans mentir où je suis, mais peux-tu le moins du monde me faire savoir où je serai demain? Et peux-tu me dire où se trouve en ce moment Moby Dick? Pourtant, tu dois être en train de suivre ses mouvements. Ah, sextant. Jouet ridicule. Le monde loue ta puissance et ton adresse, mais peux-tu faire plus qu'indiquer le pauvre petit point de cette vaste planète où tu es et la main qui te tient. Maudit sois-tu, joujou absurde. Et maudit soient tous les objets qui font à l'homme lever les yeux vers un ciel dont les ardeurs ne peuvent que lui brûler les paupières. Maudit sois-tu, Sextant. Je ne me laisserai plus guider par toi sur mon terrestre chemin. Le compas et l'estime par le loc et la ligne qui sont à bonne hauteur humaine, voilà par quels moyens je me dirigerai désormais. Akab sauta de la pirogue sur le pont et se mit à frapper frénétiquement du pied et du pilon. C'est ainsi que je te piétine, chétif objet. C'est ainsi que je te détruis. Les hommes, saisis de terreur à l'aspect de leur commandant, se regroupèrent sur le gaillard d'avant. Au vert ! Par-dessus ! À brasser carré ! En un instant, les vergues pivotèrent et le navire changea de direction cap pour cap. Starbuck observa l'embardée violente du Pequod, mais aussi celle d'Akab qui avançait sur le pont d'un pas titubant. J'ai longtemps regardé le feu intense des charbons qui brûle d'une flamme vive et tourmentée. Puis je l'ai vu décliner, décliner toujours plus et devenir enfin muette poussière. Ô vieux coureur des mers, de cet embrasement qu'est ta vie, que restera-t-il pour finir, sinon un petit tas de cendres? Les climats les plus chauds abritent les crocs les plus redoutables. Les cieux les plus somptueux bercent les tonnerres les plus meurtriers. C'est dans les eaux resplendissantes du Japon que le Pequod, un soir, fut attaqué de front par l'effroyable typhon. Plusieurs heures après minuit, comme les rugissements du ciel et de la mer avaient cessé et les coups de vent commençaient à diminuer, le foc, la misaine et la grande hune réduits en lambeaux purent être remplacés par des voiles neuves. Starbuck prit alors la direction de la cabine pour informer Akab de l'état des choses sur le pont. La porte de la chambre était entrouverte. Il s'arrêta involontairement sur le seuil. La lampe à l'intérieur oscillait avec un grincement régulier et brûlait capricieusement en jetant des ombres fantasques sur la porte et les cloisons. Dans les profondeurs souterraines de cette cabine isolée du monde, régnait comme un silence murmurant, bien que le local fût cerné de tous côtés par le hurlement des éléments. Les fusils chargés, rangés dans leur atelier à l'entrée, attirèrent son regard. Starbuck était un homme honnête et droit. Pourtant, à l'instant où il aperçut les armes, une mauvaise pensée se forma dans son cœur, mais si bien mêlée à d'autres intentions fort différentes que, sur le moment, il la reconnut à peine comme telle. Voici le fusil à la crosse cloutée qu'il a braqué sur moi l'autre jour quand je suis venu lui parler de la fuite d'huile dans la cale. Il m'aurait bien tiré dessus. Ce fusil est chargé. Il y a de la poudre dans le bassinet. Ce n'est pas bien. Mieux vaudrait la vider. Il est étrange. Étrange que je tremble ainsi, moi qui ai manié tant de lances meurtrières. Je viens au rapport pour faire état d'une brise favorable. Favorable à qui? Elle nous mènera à la mort et à la perdition. Favorable à Moby Dick. Ce poisson maudit, oui. C'est ce canon même qu'il pointait sur moi. Il m'aurait tué. Et n'hésiterait pas à massacrer tout son équipage. Il a fracassé son sextant et cherche maintenant sa route à l'estime, avec la seule aide des mesures souvent erronées du loch. Si le navire devait subir un accident fatal, cet homme serait responsable de l'assassinat de plus de 30 marins. Mais si en cet instant, il était écarté. Oui, écarté. Alors le crime lui serait épargné. Non ? Il marmonne dans son sommeil. Tout près. Là. Il dort. Non, je ne réussirai pas à te convaincre quand tu te réveilleras, Cab. Tu ne m'écouteras pas. N'ai-je donc aucun moyen légal de faire quelque chose ? Te ramener prisonnier au pays. Garrotté, ligoté, enchaîné au plancher de ta cabine. Deux océans et un continent entier me séparent du plus proche tribunal. Je ne supporterai pas tes hurlements de tigre en cage. Alors que faire ? Le ciel est-il un meurtrier ? Quand sa foudre frappe un meurtrier en puissance pendant son sommeil. Et serais-je, moi, un assassin ? Une simple pression du doigt. Et Starbuck vivrait pour étreindre sa femme et son enfant une fois encore. Dieu. Dieu tout-puissant. Où es-tu ? Monsieur ? Monsieur, le vent affaibli et tourné. Les voiles de Misaine et de Grand Hunier sont établies, monsieur. À l'arrière, tous ! Ah, Moby Dick ! C'est ton cœur, enfin, que je saisis à deux mains ! Lorsque ces mots fusèrent avec fracas du sommeil tourmenté du vieil homme, ce fut comme si la voix de Starbuck avait donné la parole au rêve demeuré longtemps muet. Le canon du fusil tremblait dans la main de Starbuck. Peu après, cette même main replaça l'arme dans leur atelier. Monsieur Stubb ! Monsieur Stubb ! Monsieur Stubb, il dort profondément. Descendez donc vous-même, réveillez-le et informez-le. J'ai affaire sur le pont. Vous savez ce qu'il faut dire. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Neuvième épisode. Avec Christophe Giordano, Ismaël, Jean-Pierre Calfon, le capitaine Acab, Olivier Clavry, Starbuck, Jean-Paul Bézina, le charpentier, Miglen Mirtchev, Kikeg, et Maurice Anthony, Olivier Arrigui, Grégory Kidel, Abel Aboiliten, Pierre-Jean Pagès, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cateau, Jean Ocotrel, Nicolas Racca, Jean-Luc Debatisse. Et avec Philippe Brunteau, disparu en mer. Bruitage. Patrick Martinache. Équipe de réalisation. Philippe Carminati, Adrien Roch, Marie Placet, Jean-Mathieu Zande. Moby Dick de Herman Melville est publié sous la direction de Philippe Jaworski à la Bibliothèque de la Pléiade.